إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. رواه الترمذي وصححه الألباني وهو في صحيح البخاري دون الجملة الآخرة. Je vous traduis, Inch'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, a dit: Kun fi dunya, soit dans cette vie proche, dans cette vie d'ici-bas, ka'annaka gharib, comme si tu étais un étranger, ou abir al-sabil, ou quelqu'un qui passe son chemin. Wa udda nafsaka fi ahl al-kubur, et compte-toi parmi les gens des tombes. C'est-à-dire, fais comme si tu étais quelqu'un qui était mort, qui allait mourir maintenant. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi et l'Albani qui a dit qu'il était sahih, qui était authentique. Et on le trouve dans le sahih de Bukhari, donc il est rapporté par Bukhari, mais sans la dernière phrase. C'est-à-dire la dernière phrase qui est « Wa'udda nafsaka fi ahli al-kubur » Mets-toi, donc compte-toi parmi les gens des tombes, parmi les gens qui sont morts. Donc la première phrase seulement, elle est dans le sahih de Bukhari, je le répète. « Kun fi dunya ka'annaka gharib » ou abir al-sabil, soit dans cette vie d'ici-bas, comme si tu étais un étranger ou quelqu'un qui passe son chemin. Je vais vous dire une parole qu'on attribue à Ali, radiallahu anhu, qui est celle-ci. Qala Ali ibn radiallahu anhu. العلم خير من المال أنت تحفظ المال والعلم يحفظك. Donc il a dit ceci: la science, donc la science de la religion bien sûr, est meilleure que les biens, que l'argent et tout ce que l'on peut posséder. Pourquoi? Il l'explique: toi, tu protèges ton bien, l'argent, et la science, elle te protège. Par rapport au hadith que je viens de citer, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil wa udd nafsaka fi ahli al-kubur, compte-toi parmi les gens des tombes. Je vais vous citer un hadith qui n'est pas très connu mais qui est très très saisissant, inshallah. An al-Bara ibn Azib, donc de ce sahabi qui s'appelle al-Bara ibn Azib, il a dit: baynama nahnu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, iz basura bi jama'atin, alors qu'est-ce qui s'est passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un groupe de gens. Faqal, et il a dit: ala majtama'a alayhi ha'ula, sur quoi ceux-là se sont rassemblés? Faqil, alors on a dit: ala qabrin yahfiruna, sur une tombe qui sont en train de creuser. Faqal, alors il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, excusez-moi, là c'est Al-Barra ibn Azib a dit. Fa faza'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa badara'a bayna yaday ashabihi musri'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est dépêché devant ses compagnons en se dépêchant, en étant pressé. Jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la tombe. Fajatha alay, alors il s'est agenouillé à elle, il s'est agenouillé devant la tombe. Qal, et là le sahabi qui rapporte ce hadith, Al-Barra ibn Azib, il a dit: fastaqbaltuhu min bayni yaday, donc je me suis mis en face de lui, en face du messager sallallahu alayhi wa sallam. Li anzura ma yasna, afin de voir qu'est-ce qu'il fait. alors qu'il s'est agenouillé devant. Pourquoi il s'est empressé? Il s'est agenouillé devant cette tombe. Fabaka. Alors le prophète sallam baka, a pleuré. Hatta ballat thara, jusqu'à ce que la terre fut humide, jusqu'à ce qu'il humidifia la terre par ses larmes. Min dumuri, par ses larmes. Thumma aqbala alayna qala. Ensuite, il s'est retourné vers nous, donc le prophète sallam s'est retourné vers ses compagnons et il a dit: Ay ikhwani, oh vous mes frères. Pour ce même jour, alors préparez dans cette vie dounia, c'est-à-dire préparez dans cette vie dounia de bonnes actions et autres pour ce jour qui va vous arriver, le jour où vous allez mourir et on va vous enterrer. Donc là, on comprend pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on revient le hadith apporté par Tirmidhi, excusez-moi, donc ce hadith que je viens de citer, il est rapporté par Al-Bukhari Fit-Talir, donc il a un livre qui s'appelle Al-Talir Al-Kabir, c'est pas dans son livre Al-Sahih, dans un autre livre qui s'appelle Al-Talir Al-Kabir, et il est aussi rapporté par Ahmed ou Ibn Majah, où Hassan Isnadahu Al-Bani, et Al-Bani a dit que sa chaîne de transmission était bonne. Et vous trouvez ce hadith dans un livre qui s'appelle Silsilat Al-Hadith Al-Sahiha de Al-Bani, qui est le numéro 1751, qui est vraiment très poignant, Inch'Allah. Et donc ça explique un peu cette autre parole du prophète, où il a dit Wa'udda nafsaka fi ahli kubur, et compte-toi parmi les gens des tombes. Maintenant, nous allons prendre, Inch'Allah, le cours de fiqh. Alhamdulillah. Et donc, nous sommes toujours dans le livre de Mukhtasar Abi Shuja. C'est sur le titre de ce livre de l'imam Abu Shuja, Rahimahullah, dans le fiqh al-Shafi'i. Nous étions dans le chapitre de la zakat, Az-Zakah. Et maintenant, nous allons étudier Nisab ou Zakat al-Ibil, la part de la zakat des chameaux. Ce qui veut dire à partir de quand et après tous les combien on doit sortir la zakat. Qala Abu Shuja rahimahullah. Wa awwal Nisab al-Ibil. Et le première part des chameaux, c'est 5. C'est-à-dire que c'est à partir de 5 chameaux qu'on va sortir une zakat. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 1 ou 2 ou 3 ou 4 chameaux, même s'il coûte très cher, il ne sort pas de zakat, même si l'année lunaire est passée sur ses chameaux. C'est à partir de 5 chameaux qu'on sort la zakat. Et comme il a dit, wafiha sha, wafiha sha tun. Et dedans, il y a ce qu'on appelle un chat. Et chat, c'est pas le mot. Je dis pas, c'est pas le mot français. C'est H-A-T, un chat. Vous savez le qui fait miaou là. Non, le mot en arabe sha, ça désigne soit un mouton avec une année précise ou une chèvre avec une année précise. On va le voir maintenant. Inch'Allah. C'est quoi un chat ou un chat tout? D'accord. Pour ceux qui comprennent l'arabe, c'est avec un shin, un alif et un tamarbuta. C'est quoi un chat? Ay jada'atu don. C'est ce qu'on appelle un jada'atu don. Don, c'est tout ce qui est mouton. Et c'est quoi un jada'atu don? C'est laha sana. C'est un mouton qui a une année révolue. Ou adaralat fi thaniya, qui est rentré dans la deuxième année. C'est-à-dire qu'il y a au moins une année et un jour. Aoud, c'est quoi un chat? C'est soit donc ce mouton, donc un mouton qui a au minimum une année. Aou, Thani est un Mars. Ou Mars, c'est la chèvre. Et Thani est un Mars, Thani est une chèvre, c'est quoi le mot Thania? C'est quoi? Laha Sanatan. Ou Adakhalat fi Thalissa. C'est une chèvre qui a 2 ans, d'accord? 2 années révolues, et qui est rentrée dans la troisième année. C'est-à-dire qu'il a au moins 2 ans et un jour. D'accord? Donc celui-là qui a 5 chameaux. Et on va voir jusqu'à combien. Et je vais vous le dire maintenant d'ailleurs. C'est qu'à 5, 6, 7, 8 ou 9 chameaux, d'accord? N'importe quel, vous comprenez, c'est soit il a 5 ou 6 ou 7, 7 ou 7 ou 8 ou 9, il doit sortir un chat. Un chat, c'est-à-dire soit il donne un zakat, c'est pas de l'argent qu'il va donner, il va donner un mouton d'une année ou alors une chèvre de 2 années. J'espère que c'est clair. Ensuite, Abu Shuja Rahimullah a dit. Wafi Ashrin Shatan. Et dans 10, c'est-à-dire qu'à partir de 10 moutons, là, si la personne a 10 moutons, il doit donner 2 chats. Shatan. D'accord? C'est-à-dire 2 moutons d'une année ou 2 chèvres de 2 années. Ou alors un mouton d'une année et une chèvre de 2 années. D'accord? et de donner ça. Et ça, c'est de à partir de 10 moutons jusqu'à 14 moutons. Parce qu'à partir de 15 moutons, quand il me va. Excusez-moi, je confonds entre les moutons et les chameaux. Là, on est dans la chameau, mais là, pour l'instant, comme je l'ai dit, si on a 5 jusqu'à 9 chameaux, on sort un chat qui est soit un mouton d'une année ou une chèvre de 2 années. Ensuite, si on a 10 moutons, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14 moutons. Voilà. Je confonds entre les moutons et les chameaux, excusez-moi. Hein. Alors, si on a 10 chameaux, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, là, c'est deux chats, chatan. Donc, c'est soit 2 moutons d'une année, ou 2 chèvres de 2 années, ou 1 mouton d'une année, une chèvre de 2 années. Ensuite, l'imam Abu Shoula, rahimullah, a dit: Wa fi khamsata ashara, thalathu shiyah. Et dans 15, c'est-à-dire moutons, on doit sortir combien? Qu'est-ce qu'on doit sortir comme zakat? Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas encore des chameaux. Quand on va voir, quand ça atteint un nombre plus grand, c'est des chameaux qu'on sort après, mais pour l'instant, c'est que des chats, donc moutons ou chèvres. Donc à partir de 15 chameaux, on sort 3 chias. Chia, c'est le pluriel de chat. Donc on sort 3 moutons ou 3 chèvres, ou si vous voulez 2 moutons et une chèvre, ou 2 chèvres ou un mouton, comme vous voulez, d'accord? Avec bien sûr les années respectives que j'ai citées. Barakallahu fikoum. Et ça, c'est jusqu'à 19 moutons. C'est pour ça qu'il y a 15 ou 19 moutons. Astaghfirullah, je mélange encore. La ilaha illallah, astaghfirullah. C'est-à-dire qu'il y a entre 15 chameaux et 19 chameaux, il sort 3 chiens. D'accord? Ensuite, Abu Shuja, rahimallah, a dit: Wa fi 20 arba'u chiens. Et dans 20, donc c'est-à-dire qu'il y a 20 chameaux, jusqu'à 24 chameaux, comme on verra. Donc c'est-à-dire que 20. Oui, c'est bien chameau, je ne me trompe pas cette fois-ci, alhamdoulilah. Donc, soit qu'il y a 20 ou 21 ou 22 ou 23 ou 24 chameaux, il doit sortir arba au chia, 4 chia, c'est-à-dire 4 chats, c'est-à-dire soit 4 moutons ou 4 chèvres ou 2 moutons ou 2 chèvres, etc. Vous avez compris comment ça marche. Barakallahu fikoum. Inch'Allah. Ensuite, il a dit, l'imam Abu Shuja, rahimallah, wafi khamsin wa ishrin, et donc dans 25 chameaux, donc celui qui possède 25 chameaux, et jusqu'à, là il faut bien noter bien ça, jusqu'à 25 chameaux, jusqu'à 35 chameaux. Donc s'il possède 25 chameaux, 26 ou 27, etc., jusqu'à 34 ou 35 chameaux, qu'est-ce qu'il doit sortir? Il doit sortir ce qu'on appelle, comme il le dit lui-même, bindumachod. Bintou Mahod. Alors c'est quoi Bintou Mahod? Donc à partir de là, donc à partir de 25 chameaux, ce n'est plus des moutons, des chèvres qu'on sort, mais là ce sont des catégories spécifiques de chameaux. Alors Bintou Mahod, qu'est-ce que c'est? Bintou Mahod, Minel Ibil, c'est quoi Bintou Minel Ibil par rapport aux chameaux? C'est quoi? Naakatun Laha Sana. C'est une chamelle, une, je dis bien une et pas un, une chamelle, qui a une année, Laha Sana, Wadaral Fithaniya, et qui est rentré dans la deuxième année. C'est-à-dire qu'elle a une année révolue. D'accord? Elle est rentrée dans sa deuxième année. D'accord? Donc, Bintou Mahrod, c'est une chamelle qui a, pas un chameau, hein, une chamelle qui a une année et qui est rentrée dans la deuxième année. C'est-à-dire qu'elle a au minimum une année et un jour. Donc, celui qui a 25 chameaux, il doit sortir Bintou Mahrod, donc ce chameau qui a, ou cette chamelle, excusez-moi, astaghfirullah, qui a au minimum qui a une année, d'accord. Et là j'ai une notation, inchallah, que je vais lire. Et voilà, oui, je vais vous lire ça, inchallah. Abou Chejouar ici a dit que c'est donc ce qui a 25 chameaux. On va voir jusqu'à combien, inchallah. C'est juste comme je vous l'ai dit, de 25 chameaux jusqu'à 35, et pas 34, hein, jusqu'à 35 chameaux, il doit sortir Bintou Mahrod, c'est-à-dire une chamelle qui a une année révolue. D'accord? Ou bien, ça c'est pas glucide, mais ça doit être annotation, notez-le bien. Ou bien, Aou Ibn Laboun, Aou, le fils d'un, ce qu'on appelle Laboun, donc là c'est quoi? C'est qu'on dit fils, non pas fille, parce qu'avant c'était fille, Bintou Mahrod, c'est-à-dire, c'est un chameau. Wahou Allavi Lahou Sanatan, c'est-à-dire que c'est un chameau, mais qui n'a pas une année, mais qui a 2 années. Celui qui a 2 années. D'accord? Donc, pour celui qui a 25 chameaux jusqu'à 35 chameaux, il sort soit ce qu'on appelle Bint Mahrod, Bintou Mahrod, donc c'est une chamelle qui a une année révolue, ou alors il sort ce qu'on appelle Bintou Laboun, Ibn Laboun, Donc ça, c'est un chameau qui a 2 années. Et sachez une chose, la yu'khadhu dhukuru fi zakat al-ibil idha kana fi an-nisab inath. Ghayru ibn laboun 'inda 'adami wujubi bint al-mahad. On ne prend pas de masculin, de mâle, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de chameau, on prend toujours des chamelles dans la zakat, les ibils dans la zakat des chameaux. Et quand là j'ai des chameaux, c'est chameau ou chamelle mélangés. Hein. S'il y a dans la part des femelles, d'accord, des chamelles. Excepté le fils de Laboun, le ibn Laboun, c'est-à-dire qu'un chameau qui a 2 ans. Mais quand, quand la personne ne trouve pas de ibn bint al-mahad, donc de chamelle qui a 1 année. C'est-à-dire que s'il doit sortir la zakat, il doit sortir une chamelle qui a 1 année, mais qu'il n'en trouve pas, donc là il est autorisé pour lui qu'il sorte un chameau de 2 années. C'est tout. Sinon, tout le reste, comme on va voir, c'est que des chamelles qu'on sort. Ensuite, on va voir maintenant une autre exception. Donc si tous les ébiles, les chameaux, excusez-moi, si tous les chameaux, donc la personne possède tous les chameaux, the Quran, sont des mâles, donc il n'y a pas de femelles, c'est que des chameaux, pas de chamelles. Donc là, c'est autorisé de prendre les mâles. Voilà, donc on va continuer, Inch'Allah, ce qu'a dit l'imam Abu Shuja, rahimahullah. Donc là, on était de 25 chameaux jusqu'à 35, si je ne me trompe pas, jusqu'à 35 chameaux. Donc là, celui qui a de 25 à 35 chameaux, comme je répète, il sort pour la zakat. Soit comment dire, il a sorti une bintou marad, c'est-à-dire qu'une chamelle qui a 1 année, s'il n'en a pas, il peut sortir ibn Laboun, c'est-à-dire un chameau masculin, un mâle, de 2 ans. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَفِي 36 بِنْتُ لَبُونَ. Et dans 36, c'est-à-dire que si une personne possède 36, d'accord, jusqu'à 45 chameaux, comme ça on va voir après, parce qu'après il dit وَفِي 46 c'est comme ça que je le sais jusqu'à combien, d'accord. Donc celui qui a 36 chameaux jusqu'à 45 chameaux, il doit sortir quoi comme zakat? بِنْتُ لَبُونَ. Il doit sortir Bintou Laboun. C'est quoi Bintou Laboun? Hiyallati laha sanatan wa dakhal fi thalitha. C'est une chamelle qui a 2 années. D'accord? Donc il n'a pas ressorti une chamelle qui a 1 année. C'est une chamelle qui a 2 années. Je regarde les annotations. C'est bon. Ensuite, Abu Shuja, rahimahullah, a dit Wa fi 46 hiqqa. Et dans 46, donc celui qui possède 46 chameaux, jusqu'à 60 chameaux, d'accord? Je sais par rapport à ce qu'il va dire après, jusqu'à soit donc celui qui possède 46 chameaux jusqu'à 61 jusqu'à 60 chameaux, c'est-à-dire qu'il possède 46 ou 47, 48, etc., ou 50, 52, 58, 59, 60 chameaux, il doit sortir quoi comme zakat? Ce qu'on appelle hekkatun. C'est quoi une hekka? Allati laha thalathu sinin wa dakhalat fi rabi'a. C'est une chamelle qui a 3 années. C'est donc celle qui est au-dessus de Bintou Laboun, qui a 2 années. C'est donc une chamelle de 3 années. D'accord? Et donc qui est rentrée dans la quatrième. C'est-à-dire qu'elle a au minimum 3 années. 3 années, une journée. D'accord? Ensuite, Abu Shuja, rahimahullah, dit wa fi ihda wa sittin Jada'atun. Et dans 61 chameaux, donc quelqu'un qui possède 61 chameaux, quand je dis chameaux, ça inclut aussi les chamelles, hein, ici, hein, bien sûr. Celui qui possède 60 chameaux, il doit sortir Jada'a. C'est quoi Jada'a? Allati laha arba'u sinin wa dakhal fil khamisa. C'est la chamelle qui a 4 années, 4 ans, et qui est entrée dans la 5e année. D'accord? Ensuite, l'imam Bouchoujar dit Wa fi 76 bint Laboun. J'ai oublié de vous faire le petit calcul là. Celui-là qui a, donc c'est celui qui avait 61 chameaux jusqu'à 75 chameaux, donc je crois qu'il y a 61 chameaux jusqu'à 75 chameaux, il doit sortir ce qu'on a vu, Javera, donc c'est une chamelle qui a 4 années. Ensuite, celui-là qui a Sittin Wasabarin, qui a donc 76 chameaux, il doit sortir Binta Laboun. Binta, c'est Binta Ni, hein. Binta parce qu'il moudaf, donc le Noun il est effacé, hein, pour ceux qui connaissent un peu Nahou. C'est donc deux Bint de Laboun. Et c'est quoi Bintou Laboun? On l'avait vu, c'est une chamelle qui a 2 ans. C'est-à-dire qu'il doit sortir deux chamelles de 2 ans. Celui-là qui a 76 chameaux, jusqu'à 90 chameaux, d'accord? Parce que ça, je sais par rapport à ce qui vient après. Donc celui-là qui a 76 chameaux jusqu'à 90 chameaux, donc s'il possède 76 chameaux, 76 ou 75, 76, jusqu'à 80, 80, 82, jusqu'à 90 chameaux, il sort seulement, enfin, il sort deux Bintou Laboun et Binta Laboun, c'est-à-dire deux chamelles qui ont respectivement 2 ans. Ensuite, il dit Wafi Irda Watis'in Hekkotan. Et dans 91 chameaux, donc quelqu'un qui possède 91 chameaux, il doit sortir quoi? Hekkotan. Donc deux Hekka. Et Hekka, on l'avait vu, c'est la chamelle qui a 3 années. D'accord? C'est la chamelle qui doit 3 années. Donc il doit sortir Hekkatan, deux chamelles de 3 années. Wafi Irda Watis'in Hekkatan. Et donc celui qui possède 91 chameaux, il doit sortir deux chamelles qui ont respectivement 3 années. Ensuite, c'est du fiqh, hein. Et nous aimons le fiqh, alhamdulillah, vous aimez le fiqh, c'est un petit peu mathématique, mais c'est comme ça, nous apprenons notre religion, alhamdulillah. Ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimahullah, a dit « Wa fi mi'atin wa ihda wa ishin, thalathu banati laboun » Donc, c'est vrai que j'ai oublié de vous faire le petit calcul, c'est-à-dire que donc c'était à partir de 91 chameaux, donc celui-là qui possède 91 chameaux jusqu'à 120 chameaux, d'accord, donc ceux qui peuvent 91 chameaux, 92 ou 95, etc., jusqu'à 120 chameaux, pas plus, donc de 91 à 120 chameaux, d'accord, même s'il possède 120 chameaux, il doit sortir Hekkatan, c'est-à-dire deux chamelles qui ont respectivement 3 années. Ensuite, celui qui a Wafimi Atin Wahirda Waishlin, Salatu Banati Laboun, et celui qui a 121 chameaux, il doit sortir 3 Banati Laboun. Bintou Laboun, on l'a vu, c'est une chamelle qui a 2 ans, donc il doit en sortir 3. Il doit sortir 3 chamelles qui ont respectivement 2 années. Ensuite, on s'arrête là, les Bouchoujars, Rahimallah, même dans les deux fils, on s'arrête ici, mais on va continuer sur autre chose, sur une autre forme de calcul, et c'est un petit peu compliqué, il faut le comprendre. Donc là, vous avez compris à partir de quand on sort les chameaux jusqu'à 121. Et là, il y a une autre forme de calcul, malheureusement, on n'a pas de tableau, j'ai pas de tableau pour bien vous expliquer, mais on va essayer comme ça. Hein. Ensuite, donc l'imam Abu Shuja, Rahimahullah, a dit Thumma fi kulli arba'in bintu laboun. On a fait tous les 50 hekkatun. Il a dit ensuite, dans chaque 40, dans chaque 40 chameaux, Bintou Laboun, il faut sortir quoi? Une chamelle qui a 2 ans. Et après, ensuite, il dit, on a fait tous les 50, et dans chaque fois qu'on a 50 chameaux, il faut sortir quoi? Hekkatun. Et hekkatun, comme on l'a vu, c'est une chamelle qui a 3 ans. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Comment ça se fait qu'il revient à 40 et 50? Attention, là, c'est plus à partir de 40 et 50, c'est autre chose, parce que au-dessus de 121 chameaux, le calcul ne se fait plus de temps à temps chameau. Comment dirais-je? Je vais vous expliquer ça, Inch'Allah. Donc, jusqu'à 121 chameaux, on sort la zakat comme je vous ai expliqué, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui a plus de 121 chameaux, le calcul, ça va être une autre forme de calcul. Donc, il faut oublier le calcul qu'on a fait jusqu'à 121 chameaux. Quelqu'un qui a plus de 121 chameaux, par exemple, quelqu'un qui a 130 chameaux, D'accord? Parce que je vous le dis maintenant, pour que vous compreniez bien, celui qui a 121, ou 122, ou 123, ou 124, ou 125, ou 126, ou 127, ou 128, ou 129 chameaux, il sortira de la zakat comme celui qui a 121 chameaux, c'est-à-dire 3 banatoulaboun, c'est-à-dire 3 chamelles qui ont respectivement 2 années. À partir de 130 chameaux, là, c'est un calcul qu'on fait par rapport à ce qu'il a dit avant, qui vient juste de dire, qui est à chaque 40 chameaux, à chaque fraction, on va dire, nous, on va dire comme ça, pour ça, Inch'Allah plus clair pour vous, à chaque fraction de 40 chameaux, il faut sortir bintoulaboun, c'est-à-dire une chamelle. Vous savez, ça veut dire quoi, bintoulaboun? J'arrête pas de le répéter. Une bintoulaboun, ça veut dire une chamelle qui a 2 ans. Donc, à chaque 40 chameaux, à chaque fraction de 40 chameaux, il faut sortir une chamelle qui a 2 ans. On fait kulli khamsin, et dans chaque 50, donc à chaque fraction de 50 chameaux, il faut sortir hekka. C'est quoi une hekka? C'est une chamelle qui a 3 ans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-dessus de 121 chameaux, c'est-à-dire à partir de 130 chameaux, on va, le chiffre 130, on va le fractionner avec les 50 et les 40. Maintenant, on va se baser juste sur les 40-50. 40 chameaux, donc c'est une chamelle de 2 ans. 50 chameaux, c'est une chamelle de 3 ans. Alors maintenant, on va faire un peu de mathématiques. Alhamdoulillah. Alors bien sûr, vous n'étiez pas au fond de la classe quand vous étiez à l'école et que vous avez, comment dire, vous avez un cours de maths. Vous étiez au premier rang, donc vous êtes très fort en mathématiques. Barakallahu fikoum. On va faire un peu de mathématiques. D'accord? Pour ceux qui sont encore à l'école, eh ben, c'est bon, ça. Vous êtes bien sûr au premier rang. Ceux qui ne sont plus comme moi, hein, ils étaient là où ils étaient. Bon, dans 140 chameaux, donc dans le chiffre 140, il y a combien de fois 50 et 40 afin d'avoir 140? Je m'explique. Et si je fais 3 fois 50, ça fait combien? Ça fait 150, donc ça ne marche pas. Si je fais 3 fois 4 fois 40, si je fais 3 fois 40, ça fait 120. Non, ça ne fait pas 140. Si je fais 4 fois 40, ça fait 8, ça fait 160, donc ça ne fait pas 140. Ah, donc comment je fais? Donc je cherche, je cherche, je cherche. Et si je fais 2 fois 50, ça fait 100. Et une fois 40, ça fait 40. Et non, je n'ai pas 130 chameaux. Donc, comment je fais pour 130 chameaux? Je vais encore essayer autre chose. Est-ce que je peux déjà, avec la fraction de 50 et de 40, arriver au chiffre 50? Si je mets 50 et je mets 2 fois 40 qui fait 80, ça fait combien? 80 à 50, ça fait 130. Donc là, excusez-moi, là je les ai. Ça veut dire que j'ai deux fractions de 40, ça fait 80. Je rajoute une fraction de 50, 50 et 80, merci pour le calcul mental. Donc là, je compte sur mes doigts, excusez-moi. Donc 80, donc 8 plus 5, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 13, je retourne 0, ça fait 130. Alhamdulillah, j'ai trouvé, ça fait 130. Donc, j'ai deux fractions de, un petit peu d'humour, Inch'Allah, hein, ça fait deux fractions de 40 et une fraction de 50 pour arriver à 130. Parce qu'on a, que 40, on a que, oui, 40 et 50 pour calculer au-dessus de 121 chameaux, d'accord? C'est-à-dire à partir de 130 chameaux. Donc, j'ai deux fractions de 40 et une fraction de 50 qui fait 130 chameaux, qui fait 130, d'accord? Donc, et quand on a vu qu'à chaque fraction de 40, on sort bintoulaboun, une chamelle de 2 ans. Et là, j'ai deux fractions, donc ça fait 2 chamelles de 2 ans. Et j'ai une fraction de 50, on a vu que quand, la fraction de 50 chameaux, ça fait hekka, une hekka, c'est une chamelle qui a 3 ans. Donc, quelqu'un qui a 130 chameaux, il doit sortir comme zakat, vous l'avez dit, enfin plutôt je l'ai dit, c'est 2 chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Vous avez tout compris, vous êtes fort en maths. Barakallahu fikoum, c'est très bien. Et on aime la chalira, on aime le fiqh et on aime les maths, ça ne nous empêche pas. Donc, de 130 jusqu'à 139, la personne va sortir donc 2 chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Pourquoi jusqu'à 139? Parce que on peut, à partir au-dessus de, comme je l'ai dit, de 120, de 121, on fractionne qu'avec des 50 et des 40. Donc on ne peut pas avoir des nombres impairs, pas impairs, mais des fractionnables, par exemple 131, 132. Ça va être 130, 140, 150. Et donc, quelqu'un qui possède de 130 à 139 chameaux, comme je vous l'ai dit, il sort 2 chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Là, normalement, dans un cours que je donne, Inch'Allah, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai expliqué ici, je donne la parole aux élèves et je leur demande de faire des calculs mentaux. C'est-à-dire que je dis, voilà, je donne un exemple, quelqu'un qui possède 160 chameaux. Donc là, on va essayer, Inch'Allah, mais j'espère que je vais vous enlever les interdictions des d'écriture, parce que vous allez maintenant calculer, vous allez me répondre, Inch'Allah. Bien sûr, ne parlez pas d'autres sujets ou autres, d'accord ? Barakallahu fikoum, d'accord ? Husnul khuluq, le bon comportement, barakallahu fikoum. Donc, je vais vous poser une question. Un musulman ou une musulmane, parce qu'une musulmane peut avoir des chameaux aussi, sachez-le, et donc payer la zakat, un musulman a 160 chameaux. Combien, qu'est-ce qu'il doit sortir comme zakat quand il a 160 chameaux? Vous avez la réponse, je vous donne l'écriture et je veux la bonne réponse. Barakallahu fikoum. Alors, Abdelwalid a dit 4 de 2 ans. Alors, et Abou Khalil 13 a dit 4 chamelles de 2 ans. Exactement, il faut préciser, c'est Abdelwalid, mais la réponse est bonne, bien sûr, c'est compris, mais c'est bien, surtout dans le fic, de toujours préciser, d'essayer d'être pointu, de préciser toujours. Donc, c'est bien 4 chamelles. Donc là, 4 chamelles de 2 ans. 4 de 2 ans. Alors, on va voir si c'est vrai, c'est simple. On va voir si cette. Ah! Excusez-moi, le micro est encore tombé, donc je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc, Abdelwadid a dit 4 de 2 ans, et ensuite Abou Khalil a dit 4 chamelles de 2 ans. La précision de chamelles est importante. Donc, bien sûr, Abdelwadid avait compris que c'était des 4 chamelles, mais dans le FIC, il est toujours bien, même dans la région, de préciser, de toujours donner la précision. Donc c'est bien 4 de 2 ans Abdelwadid, mais le mieux c'était, la chose même demandée, c'est de bien préciser, c'est 4 chamelles de 2 ans, mais on va quand même vérifier, on va vérifier. Donc 4 chamelles de 2 ans, c'est-à-dire 4 bintulaboum, d'accord. Et on avait dit que quand on a 40 chameaux, à part de 4 factions, c'est bintulaboum. On va voir. 4 fois 4, ça fait combien? On va voir si c'est bien, parce que j'avais bien dit... La personne, j'avais dit, je me rappelle, j'avais dit combien, 160 chameaux, c'est ça? J'avais dit 160 chameaux, hein, si je me rappelle bien. Donc 160 chameaux. Donc 4 x 4, ça fait combien? Abou Mouhamed, il dit 4 x 4, c'est qu'elle a 18. Ah ah ah! Oui, après, ça a attrapé, il a 17. Oui, bon, alors, je sais pas si c'était au premier de la classe pendant les cours de maths, mais il y a un petit problème. 4 fois 4, c'est simple. 4 et 4, 8. 8 et 8, 16. D'accord? Ça fait... ah, c'est son trompier c'est le clavier qui s'est trompé. Donc, c'est pas lui, c'est il s'est trompé de clavier. Baraklofik. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc 4 fois 4, ça fait bien 16. Donc, 4 fois 40, ça fait 160. Donc, c'est bien ça. C'est 4 fractions de 40 chameaux. Donc, vous avez bien trouvé. Baraklofikoum. Vous avez bien trouvé, c'est ça. Donc, comme pour arriver à 160... c'est 4 fractions de 40 et qu'une fraction de 40 c'est une bintulaboum, donc c'est une chamelle de 2 ans, donc c'est bien 4 chamelles de 2 ans qu'il faut sortir pour celui qui a 160 chameaux. Barakallahu fikoum. Donc celui qui a 160 ou 161 ou 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 chameaux, il sort 4 banatulaboum, d'accord. Et pour 170, autre question. Alors là c'est Abou Khalil a bien répondu, Mashallah, et ainsi que Abdelwadi. Abdelwalid, la combien? Donc là, maintenant, s'il vous plaît, Abou Mohamed avait bien... Non, qui a répondu, excusez-moi, qui a répondu 4 chamelles de 2 ans? C'était Staffullah. Excusez-moi, là, je ne vois pas. Donc, ceux qui ont bien répondu à cette question, s'il vous plaît, ne répondez pas à la question que je vais poser. Maintenant, ça va être les autres. Maintenant, celui qui a 170 chameaux. Donc ceux qui ont bien répondu, Barakallahu fikoum, maintenant ne répondez pas, laissez les autres, Barakallahu fikoum. Celui qui a 175, pardon, une personne, un musulman ou une musulmane, a 175 chameaux. Qu'est-ce qu'il doit sortir comme zakat? Et je vous répète, une fraction de 40, il doit sortir une chamelle de 2 ans. Une fraction de 50, il doit sortir une chamelle de 3 ans. Une personne qui a Abou Mohamed dit je n'entends rien. Bah, pourtant j'ai le micro et les autres apparemment m'entendent. Donc je ne sais pas pourquoi il y a le problème. Donc maintenant, 175 chameaux. J'attends vos réponses. Une personne à 175 chameaux, qu'est-ce qui doit sortir comme zakat? En sachant qu'en fraction de 40 chameaux, il sort une chamelle de 2 ans, une fraction de 50, il sort une chamelle de 3 ans. Alors Abou Hanfel a dit 9 chamelles de 3 ans. 9 chamelles de 3 ans. On est toujours au fiqh, oui. On va finir le fiqh. Là, je finis ça et après on va rentrer dans le tawhid. Abou Hanfel dit 9 chamelles de 3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? 9 chamelles de 3 ans. Une chamelle de 3 ans, on avait vu que c'était pour les fractions de 50. Donc 9 fois 50, ça fait combien? Ça fait 45. Donc 9. Donc 9 fois 50, ça fait 450. Non, j'ai pas dit 450, je dis 175 chameaux. Donc c'est pas 9 chamelles. C'est beaucoup moins que 9 chamelles de 3 ans. Ah, attention. 175 chameaux. Ming 690 a dit 5. Je dis d'accord. Pourquoi pas? Mais 5 quoi? 5 chamelles de 2 ans ou 5 chamelles de 3 ans? Solitaire dit 3 chamelles de 3 ans. On va voir ça. Bien sûr, j'ai dit 175 chameaux, c'était un petit piège entre guillemets, mais vous avez compris. Compter 75, en fin de compte, il faut revenir, il faut compter 170. Parce que 170 ou 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, c'est pareil, c'est 170. Il faut compter. Donc je vais prendre celui qui a dit de 3 ans. Ah non, je prends Ming, s'est rattrapé, il a dit 5 chamelles de 3 ans. C'est pas possible, c'est beaucoup trop. On va voir. Parce que 5 chamelles par 5, comme ça fait 450, c'est pas possible. Solitaire 7 a dit 3 chamelles de 3 ans. On va voir. Une chamelle de 3 ans, c'est par fraction de 50. Donc on va faire 3 fois 50, ça fait 150. Mais j'ai dit 175, c'est-à-dire 70, donc c'est pas assez. Abou Yahya dit 3 chamelles de 2 ans et une de 3 ans. 3 chamelles de 2 ans et une de 2 ans. On va calculer, c'est du calcul. 3 chamelles de 2 ans, c'est-à-dire 3 fractions de 40. Donc 3 fois 40, ça fait 4 et 4, 8, 12, ça fait 120. Et 1, 2, 3 ans, c'est-à-dire 50, donc 120 et 50, ça fait combien? 5, 6, 7, 170. Barakallahu fik, celui qui a trouvé la réponse en premier, du moins qui l'a écrit en premier, c'est Abou Yahya, c'est Yahya, c'est pas Yahya. Bon, c'est Abou Yahya qui a trouvé Barakallahu fik, c'est 3 chamelles de 2 ans et 1 de 3 ans. Pourquoi? Parce que 3 chamelles, parce qu'une chamelle de 2 ans, c'est une fraction de 40 chameaux. Donc on fait 3 chamelles de 2 ans, donc ça fait 3 fois 40, ça fait 120. On a 120 chameaux. On rajoute la fraction de 50 à 120, ça fait 170. Donc c'est ça. 3 chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Abdelwadid a dit une de 2 ans et 3 de 3 ans. On va vérifier. 3 de 3 ans, c'est-à-dire 3 de fraction de 50. Donc 3 fois 50, ça fait combien? Ça fait 150. Et une de 2 ans, c'est une fraction de 50. 150 et 40, ça fait 490. Et non, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être 3 de 3 ans et une de 2 ans. Parce que ça fait 190. Solitaire dit 4 chamelles de 2 ans. Alors, on va calculer. Une chamelle de 2 ans, c'est-à-dire 40 chameaux. C'est-à-dire une fraction de 40 chameaux. Donc, 4 fois 4, ça fait combien? Ça fait 160. Ce n'est pas assez. Donc la bonne réponse a été donnée, je vous le dis. C'était Starfoda, je ne me rappelle plus qui avait donné la bonne réponse. Si, c'était Afwan. C'était Abou Yahya qui avait donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 3 chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Pour faire 3 fractions de 40, donc 3 fois 40, 120, plus 50, 120 et 50, ça fait 170. Et donc on trouve aux 70 chameaux. C'était donc 3 chamelles de 2 ans et une chamelle de 3 ans. Donc, après 180, c'est trop. Ah non, 160, c'est pas... Bon, voilà. On va s'arrêter ici. Donc, après, on calcule. Alors, un truc simple, hein. Quelqu'un qui a 200 chameaux, qu'est-ce qu'il doit sortir? Là, c'est simple. 200 chameaux, il doit sortir combien de chamelles et de quel âge? C'est le dernier, après on rentre dans le fir, Inch'Allah. Et on continuera demain. Et là, ici, on aura fini la part de la zakat du chameau. Et demain, on fera la part de zakat de la vache. D'accord? Il y aura encore des calculs demain. Bienvenue au cours. Abou Yahya, ah, mais non, Abou Yahya, t'avais déjà répondu bon, excuse-moi, je veux dire, ceux qui ont répondu bon ne répondent pas une deuxième fois pour laisser les autres comprendre. Donc, ne regardez pas la réponse d'Abou Yahya, s'il vous plaît. Solitaire 7 a dit 5 de 2 ans. On va voir ça. La chamelle de 2 ans, on la sort pour une fraction de 40. 40 x 5, ça fait combien? 40 x 5, ça fait combien? Quatre fois 5, ça fait combien? Ça fait 20. D'accord? Donc 50, 40 fois 5, ça fait 200. C'est bon. Et comme avait dit Abou Yahya aussi, on peut faire aussi, il avait dit 4 chamelles de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'une fraction de 50, ça, donc, parce que 4 fois 50, ça fait bien 200. 4 fois 50, ça fait bien 200 aussi. Donc soit la personne y sort 4 chamelles de 3 ans, comme a dit Solitaire 7, ou. Comme a dit aussi Abou Yahya, Solitaire 7, Abou Yahya, et Solitaire 7 a dit ou 5 de 2 ans, exact aussi. Il peut sortir 4 chamelles de 3 ans ou 5 chamelles de 2 ans. Ouman Fall a dit 4 chamelles de 3 ans, c'est bon. Voilà, 4 de Tom, ainsi que Tom 1915, etc. Et tous ceux, voilà, ici il y a deux possibilités. C'est soit comme vous l'avez dit, barakallahu fikoum, comme quoi vous suivez bien, je vous remercie, hein. Jazakallahu khairan, qu'Allah vous récompense, barakallahu fikoum. Et donc c'est bien ça, 4 chamelles de 3 ans ou 5 chamelles de 2 ans. Je ne connais pas votre prof de maths, mais si je le rencontre, je lui dirai comme quoi vous savez bien compter, c'est très bien. Voilà, donc maintenant on a fini le cours de fiqh et on va rentrer, inshallah, dans le cours du tawhid, inshallah. Et à vos calculettes demain, parce que demain aussi, il y aura des calculs à faire. Et Abou Khalid dit son rappel des frères. Et, ouais, et les sœurs aussi. Machallah. Donc là, maintenant, je vais. Excusez-moi, je vais vous retirer encore la possibilité d'écrire et tout ça, hein, pour pas qu'il y ait de. Comment dirais-je? De débordement. C'est pas pour vous tous, mais c'est pour certaines personnes qui, malheureusement, ne savent pas trop bien se conduire durant un cours. C'est à cause de cela. Sinon, moi, je préfère quand le frère ou la sœur peut parler, il faut du moins écrire. Mais pour cela, il faut avoir tous un bon comportement. Donc là, désolé, hein. Voilà, tout le monde est bloqué, désolé. Remplaçons les euros par les chameaux. D'accord. Bref, voilà, un petit débordement de Solitaire 7. Mais bon, c'est de l'humour, donc ça passe. Alhamdoulilah. Voilà le tawhid, alhamdulillah. Donc, on continue, inshallah, le cours du tawhid. On avait fini hier l'épître du cher Mohamed Rahimahullah, qui était As-Suddin wa Qa'idatu Amran, le fondement de la religion et sa base, et de deux affaires, je ne vais pas le répéter. J'avais fini les annotations. Exact, et donc voilà, on avait, je vais juste citer. Donc voilà, on va faire la nouvelle épître, une nouvelle petite risala du cher Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui s'intitule Shurutu la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah. C'est-à-dire les conditions de quoi? C'est-à-dire Shurutu sihhati la ilaha illallah, les conditions de la validité du la ilaha illallah. C'est-à-dire que quand une personne étrangement dit la ilaha illallah, pour qu'elle soit valide, c'est-à-dire pour qu'il soit musulman, pour qu'elle soit profitable, sinon il n'est pas musulman, il reste dans la mécréance, il faut des conditions de validité pour cette parole, afin que cette parole soit valide et lui profite. Donc on va le voir. Comme j'avais dit hier, il y a sept conditions. Certains savants en rajoutent une huitième, mais la huitième, concrètement, en fin de compte, elle se trouve dans le la ilaha illallah même, ou dans la première qui est el-rim. Vous allez comprendre pourquoi, inshallah. Et je vous ai cité notamment un bait d'un ce qu'on appelle un novm, c'est-à-dire on dit novm pour la poésie quand ça touche une science. Quand on met une science sous forme de poème, on appelle ça un novm, et quand c'est autre qu'une science, donc quand quelqu'un, un poète, parle de la nature ou autre, on appelle ça un shi'r. Voilà, Donc je vous le dis, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa al-qabul laha. Donc une science, une certitude et une sincérité avec ta véracité et ta véracité avec un amour et une suivi, donc une obéissance et l'agrément pour elle, donc pour cette parole. Al-qabul laha. Maintenant, on va voir ça plus ou moins en détail. Hein. Al-Awwal, donc, hier, il y a un frère en privé m'avait posé une question, est-ce que les conditions, c'est obligatoire qu'elles soient dans l'ordre, tel que le cheikh Mohamed Wahab a cité, ou dans le, comment dirais-je, dans le vers que je viens de citer. Concrètement, non, il n'y a pas d'ordre à respecter. Mais il est quand même bon, préférable, demander de, au minimum, commencer par al-ilm, par la connaissance. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, quand on dit la connaissance, c'est-à-dire la connaissance du sens de la ilaha illallah. C'est la première chose, quand même, là, il convient avant tout de commencer au minimum par ça, mais après, inshallah, il n'y a pas de problème si la personne dit les conditions dans un autre ordre, inshallah. Mais par contre, il est bien de dire al-ilm en premier. Parce que comme vous savez, al-ilm comme le qawl wal-amal, la science est avant la parole et l'acte. Et pour ce qui vient après, si la personne n'a pas la connaissance, il aura un problème. Excusez-moi, je regarde juste une chose. Bon, donc je connais, voilà. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit al-awwal, donc la première condition, c'est quoi? La première condition de la validité de la parole, la ilaha illallah. C'est quoi? Al-ilmu bimarnaha nafyan wa ithbata. C'est la connaissance de son sens, du sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que ça veut dire quoi la ilaha illallah? C'est-à-dire que la personne qui dit la ilaha illallah et qui ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, son la ilaha illallah n'est pas valide. Donc c'est la connaissance de son sens. Nafyan wa ithbatan dans la négation wa ithbatan et dans l'affirmation. Alors qu'est-ce qu'il veut dire dans la négation et l'affirmation? Ça veut dire quoi? Pour ceux qui le savent, ils vont le savoir maintenant, et ceux qui le savent déjà, ça va être un rappel, et comme Allah Azza wa Jal a dit, وَذَكِّرْ فَنَا ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et rappel, car le rappel profite aux croyants. Quand le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah dit nafyan wa ithbatan, il veut dire, c'est la négation qui est dans au début de la phrase la ilaha illallah, c'est-à-dire le la ilaha, parce que le la ilaha c'est une négation, pas de divinité par droit, il n'y a pas de divinité par droit, ça c'est une négation, d'accord, je nie qu'il y a une divinité par droit. Et après, il y a ithbat, il y a une affirmation qui vient venir, qui est illa Allah, sauf Allah. Et donc là, je viens avec une affirmation qui est sauf Allah. Donc, j'affirme que Allah donc, a cette adoration par droit, cette divination par droit. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, quand le cheikh Mohammed ibn Wahhab dit nafyan ou ithbatan, c'est-à-dire que par rapport à cette parole-là, au début, la première partie de sa phrase, la ilaha illallah, ce qui est la ilaha, c'est une négation. Pas de divinité par droit. Il n'y a pas de divinité par droit. D'accord? Illallah, et après on vient à une affirmation qui est sauf Allah, donc sauf Allah, ça veut dire que seul Allah, Azza wa Jal, est la divinité par droit. Ou de Dieu avec un D minuscule et le seul Dieu par droit D minuscule, parce qu'en français on fait une différence entre Dieu minuscule et Dieu majuscule, hein? En français quand on veut dire Dieu, c'est-à-dire Allah, on met un majuscule à D même quand c'est en milieu de phrase, d'accord. Donc si jamais je dis j'aime Dieu et que je mets un D majuscule, ça veut dire c'est Dieu, c'est-à-dire c'est celui qui a créé les cieux et les terres. Il y a sept terres, d'accord, et qui a créé Adam et de Adam Ève, etc., et qui a envoyé Noé, Nouh, et Ibrahim, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed et beaucoup d'autres prophètes aux êtres humains, etc., qui a créé l'enfer et le paradis, etc. Dieu avec un D majuscule, ça veut dire, c'est ce que en arabe, on dit en arabe, Allah, d'accord. Donc là, si je ne veux pas dire le mot divinité, je vais dire Dieu, mais avec un D minuscule. Voilà, petite précision linguistique qui peut être importante. Dans la notation que j'ai notée, j'ai marqué ceci. Al-Munafili Jahl, ce qui va à l'encontre, ce qui est le contraire de quoi? De l'ignorance. C'est-à-dire que il faut avoir al-ilm, la connaissance du sens du la ilaha. C'est quoi son contraire? C'est al-jahl, c'est l'ignorance. une preuve comme quoi, comme l'a cité le cheikh Mohamed Wahhab ou d'autres, la preuve de cette condition, la première condition, c'est par exemple la parole d'Allah Azzawajal qui est Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc Allah Azzawajal, il interpelle son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il dit Fa'alam, alors sache, et la connaissance de quoi la, annahu la ilaha illallah, que certes, l'affaire c'est quoi? Parce que le damir qui est dans annahu hu, c'est ce qu'on appelle en arabe damiru shen, c'est-à-dire l'affaire, c'est quoi l'affaire importante? C'est que la ilaha illallah, donc sache ce que veut dire, ce qu'est la ilaha illallah, pas de divinité ou pas de dieu par droit, sauf Allah. C'est dans la sourate Muhammad au verset 19, c'est le premier, le début du verset 19. Un autre dalil, une autre preuve pour cette condition, qui est un hadith. Donc, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc il a dit, من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. Ce verset, ce hadith est rapporté par Muslim et c'est le numéro 26 dans le Sahih de Muslim. Donc je vous traduis, man mat, celui qui est mort, wa huwa ya'lam, wa huwa, et il est mort dans quelle condition, dans quel état, d'accord, ya'lam, al-ilm, ya'lam, et il sait quoi, annahu, que certes, l'affaire c'est quoi, la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de divinité par loi sauf Allah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Dakhal al-jannah, il rentrera au paradis. Donc bien sûr, c'est quoi le sens du la ilaha illallah? Je l'ai dit en français, hein, c'est-à-dire pas de divinité par droit sauf Allah. En arabe, on dit la ma'boud bi haqqin illallah. La ma'boud bi haqq illallah. Pas de divinité, pas de quelque chose qui reçoit l'ibada, l'adoration. Parce que la divinité, c'est-à-dire quelque chose ou quelqu'un qui reçoit une adoration, donc il n'y a rien qui reçoit une adoration par droit, sauf Allah. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui reçoivent une adoration. Krishna, Vishnu, chez les hindouistes, par exemple, Isa, alayhi salam, Jésus, chez les chrétiens, les chrétiens adorent. Nous en préserve le prophète Jésus, alors qu'il ne l'a jamais ordonné ceci, mais il a interdit qu'on adore autre qu'Allah, d'accord. Mais donc Jésus aussi est adoré en dehors d'Allah, sans droit. Mais lui, il est innocent de ceci, il s'en est innocenté, d'accord. Donc beaucoup de choses sont adorées, que ce soit des statues, des êtres humains ou autres, en dehors d'Allah. Donc ils sont adorés. Mais est-ce qu'ils sont adorés par droit? Non, pas par droit. Il n'y a qu'un seul qui a le droit d'être adoré, qui a le droit à l'adoration, qui a le droit à ce qu'on le prenne comme divinité, comme Dieu, avec un D minuscule, c'est Dieu, et Dieu avec un D majuscule, c'est-à-dire Allah. Baratullah fikum. Donc, la ilaha illallah veut dire pas de divinité, pas de Dieu, sauf Allah. Ça, c'est le sens. Et qu'on va expliquer en plus en détail, c'est quoi, dans le sens, c'est quoi toutes les adorations, les sortes d'adorations qu'il y a. Donc, marna la ilaha illallah, la ma'bouda bi haqqin illallah. Donc, le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire en arabe, la, comme je dis, la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a pas de chose ou d'être, d'accord, qui reçoit, ou d'être humain ou autre, qui reçoit l'adoration, d'être adoré par droit, sauf Allah, azza wa jal, a le droit d'adorer. Et là, comme vous savez, Allah n'est pas un être humain, n'est pas une chose créée, il est incréé. Hein. Et on va revenir, Inch'Allah, qu'on va étudier. On va étudier, Inch'Allah, dans ce texte que j'ai compilé, le Tawhid al-Asma wa Sifat, d'accord? Le Tawhid des noms et des caractéristiques d'Allah Azzawajal, qui est très important, et c'est surtout pour la foi, c'est très bon pour la foi d'étudier ceci. Maintenant, comment, par exemple, je vais vous dire ça comme ça. Certaines personnes, comme certains soufis, c'est pas tous les soufis, hein, mais certains soufis disent que le la ilallah, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire la khaliq ilallah, ça veut dire pas de créateur sauf Allah. Ça veut dire qu'il n'y a que Allah Ajal qui est le créateur. Alors nous on dit c'est tout à fait vrai. Il n'y a que le al-khaliq, celui qui a créé les cieux et les terres, qui a tout créé, du plus petit atome ou ce qui est encore plus petit que l'atome, à la plus grande création que l'on peut connaître par notre vue, qui va être une étoile ou autre, ou ce qu'on ne voit pas, mais que l'on sache, comme par exemple Al-Kursi, le trône d'Allah, qui est encore plus grand qui est au-dessus de, on peut dire, de la création, et qui est une créature, d'accord? D'accord, toute chose est créée par Allah Azza wa Jal. Même notre force, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force et de puissance sauf par Allah, donc c'est Allah qui donne, qui, donc qui crée la force que nous on a, etc. La vie et la mort aussi est créée, les deux sont créés, comme vous trouvez dans, au début de la sourate Al-Mulk. On l'a dit, celui qui a créé la mort et la vie. Donc toute chose créée, c'est Allah qui l'a créée. Donc on dit à ces gens, on dit oui, c'est vrai, il n'y a pas de créateur sauf Allah, mais seulement la ilaha illallah ne veut pas dire ça. La preuve. Allah Azza wa Jal a dit ceci dans la sourate Az-Zukhruf. Az-Zukhruf, ils doivent le traduire, si je me rappelle bien, par l'ornement, d'accord, le fait d'orner quelque chose, l'ornement, d'enjoliver quelque chose. Az-Zukhruf. C'est du verset 26 au verset 28. Donc Allah Azza wa Jal a dit ceci. وَإِذْ قَالِ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. Et lorsque Abraham a dit à son père et à son peuple, Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Certes, moi, je suis innocent, d'accord? Je suis innocent, bara'u mimma ta'budun, de ce que vous adorez, illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Fatara veut dire khalaqa, qui m'a créé. D'accord? Et donc on voit quoi là? On voit qu'il a dit qu'il s'est innocenté, donc il a fait une négation. Là, de quoi? De ce que vous adorez. Mimma ta'boudoun, l'adoration, et non pas ce que vous croyez dans la création. Il n'a vie fatarani, sauf celui qui m'a créé. Et donc là, on est tous d'accord que celui qui nous a créé, c'est Allah. Donc il a dit, il n'y a pas... Moi, je m'innocente de toute adoration, sauf l'adoration que l'on donne à celui qui a créé. D'accord. Et comme ça, le minhaj du Coran, ce qu'on appelle le tawhid al-rububiyya, le tawhid de l'unicité d'Allah dans sa création, de ce que lui, il crée, d'accord. Donc c'est les actes d'Allah par rapport à la création. Même les mouchtikoun de la Mecque l'attestaient, comme on va le voir. D'accord. Par contre, la divergence, elle est dans l'adoration. Donc les soufis qui disent, ou autres que soufis qui disent, là, il veut dire pas de créateur sauf Allah, on leur dit non, c'est faux. C'est faux. Déjà, la définition, comme l'a dit Ibrahim, c'est par rapport à l'adoration. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sauf, donc moi je suis innocent, je me désavoue, quoi, de ce que vous adorez. On parle bien de l'adoration, ta'budun, le verbe abada ya'bud, ibada, d'accord. Illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Ensuite, il a dit, fa'innahu sayahdini, il y a un kasra. Car certes, lui, il me guidera. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَهُمْ يَجْعُونَ. Et il l'a mis, cette parole-là, donc le fait de s'innocenter de ce qu'on adore en dehors d'Allah, en tant qu'une parole, بَاقِيَة, qui demeure, فِي عَقِبِهِ, dans sa suite, donc à la suite d'Abraham, لَعَلَهُمْ يَجْعُونَ, il se peut qu'ils retourneront, donc ils retourneront de leur couffre vers la croyance. C'est quoi cette parole? Comme si vous le lisez, si vous lisez les tafsirs, les explications du Coran, c'est quoi cette parole? Et cette parole, c'est La ilaha illallah. Et donc, cette parole-là, c'est bien un inanibara ou mimatarouni ilalait fatarani. Donc, c'est bien par rapport à l'adoration. Donc, il n'y a pas d'adoration à donner sauf Allah. Il n'y a pas d'adorer par droit sauf Allah. D'accord? Quand je dis adorer, c'est-à-dire qu'il reçoit une adoration, pas dans le sens, le verbe adorer en français, qui a deux sens, contrairement en arabe, le verbe abada en arabe, ça veut dire adorer, donner une adoration, c'est-à-dire une divinité. En français, le mot adorer a deux sens, le sens abada et le sens ahabba hubban shalidan, le sens qui est aimé très fortement, faire attention. D'accord. Deuxième preuve, comme quoi la ilaha illallah veut bien dire la ma'bud bihaq illallah. Un autre verset qui est dans la sourate Al-Imran, la famille de Imran, Al-Imran, au verset 64, où Allah Azza wa Jal a dit ceci, Qul, dit, donc Allah Azza wa Jal interpelle son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, Qul, dit, Ya Ahl al-Kitab, ou vous les gens de la Bible, c'est-à-dire les gens du livre, la Bible, c'est-à-dire chrétien et juif. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez à une parole égale entre nous et entre vous. C'est quoi cette parole? Écoutez bien. An la na'buda illa Allah. À ce qu'on n'adore pas sauf Allah. À ce qu'on adore donc que Allah. À ce que nous ne faisons pas d'adoration sauf Allah. C'est quoi cette parole? An la na'buda illa Allah. D'accord? C'est quoi? Eh bien, la ilaha illallah. On appelle, les musulmans, ils appellent à quelle parole? Ils appellent les mécréants à dire, à faire l'attestation du la ilaha illallah. Et là, Allah Azza wa Jalla a bien dit, an la na'bud, est-ce que nous ne nous adorons pas illallah sauf Allah. Donc, c'est-à-dire que nous adorons Allah Azza wa Jalla seul. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, voilà, nushrika bihi shay'a, et est-ce qu'on ne lui associe rien? C'est-à-dire que si on fait une adoration à autre, qu'Allah Azza wa Jalla, eh bien, on l'associe. Donc, il faut. C'est une, en fin de compte, une confirmation et un éclaircissement encore plus pour le la ilaha illallah, dans le sens qu'on ne doit pas adorer autre qu'Allah. Donc, sachez, comme dire certainement aussi, entre guillemets, ce verset, c'est ce que tout musulman et tout groupe musulman qui se trouve au milieu ou proche des mécréants doivent leur dire. Ils ne doivent pas leur dire, oui, vous inquiétez pas, on va vivre ensemble en paix, etc., on est tous gentils. Les musulmans, ils ont le devoir sur terre d'avertir les mécréants que s'ils restent dans leur mécréance, ils vont aller en enfer. D'accord? Ça, c'est le premier rôle des musulmans. Ça doit être le premier rôle des mosquées, par exemple en France, et des associations qui se disent islamiques en France. Leur premier rôle qui doit dire au maire, au préfet, même au prêtre, ou au rabbin, ou je ne sais quoi encore, c'est de leur dire venez à une parole égale entre nous. Qui est-ce qu'on adore? Rien, sauf Allah, sauf Dieu, avec un D majuscule. D'accord? Donc regardez où sont les associations et mosquées en France, à quel niveau ils en sont dans le Darwa. Hein. Parce que ils appellent plutôt à être, venez, mécréants, excusez-moi, non musulmans, vous inquiétez pas, on va vivre avec vous en France, dans la dunya, tout le monde va être content, tout le monde va être gentil, on ne va pas vous déranger. Allah Moustan. عليه تكلان واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم وفقني. Donc après ceci, donc dit oh les gens de la Bible, venez à une parole juste et égale entre nous, qui est quoi? La na'buda illa Allah, est-ce que nous n'adorons pas sauf Allah? Ou la nushrika bihi shay'an, est-ce que nous ne lui associons rien? Est-ce que aucune partie de nous, donc aucun gens de nous prenne d'autres gens de nous comme arbaban, comme maître? Arbab, c'est le pluriel de rab. Arbab, c'est le pluriel de rab, de maître. Donc on doit pas se prendre les uns et les autres comme maître. D'accord? Min dunillah, en dehors d'Allah. Ça veut dire quoi ça? Et bien, comme c'est dans un autre verset, où Allah Azza wa Jalla a dit, que dans Sourate At-Tawba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, arbaban, donc arbab, c'est le prière de rab, donc ils ont pris leur moine et leur rabbin en tant que maître min dunillah, en dehors d'Allah. Ça veut dire quoi? Ils ont pris leur moine, leur rabbin et leur moine, donc tout ce qui est évêque et tout ça aussi, comme maître en dehors d'Allah. Eh bien, il y a un hadith qui a été rendu Hassan bon par, notamment par Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et Albani, où le prophète a dit à une personne, on va le voir sur hadith plus tard, Inch'Allah, plus ou moins en détail, qui est donc ce verset lui avait posé problème, parce qu'il avait entendu ce verset, donc ils ont pris leur rabbin et leur moine en tant que maître en dehors d'Allah, et cette personne-là, qui était un sahabi, avant il était chrétien. Et il a dit au prophète, mais on ne les prenait pas. Il a dit, mais ma kunna na'buduhum, on ne les adorait pas. C'est-à-dire que lui, il disait, donc les moines, les prêtres, tout ça, on ne les adorait pas. C'est-à-dire, pour lui, on ne les adorait pas, c'est-à-dire qu'on ne se prosternait pas pour eux. C'est-à-dire que ça veut dire que pour lui, dans son état d'esprit, l'adoration, c'était seulement restreint à, par exemple, se prosterner, ces actes-là, vous voyez ce que je veux dire, ou faire une prière, etc., etc. Et là, le prophète, sallam, il lui a dit ceci. Ama kanu yuharrimun ma aharallah fatattabi'uhum yuharrimun ma aharallah al-aks wa yuharrimun ma aharallah fatattabi'uhum. Est-ce qu'ils n'étaient pas ces prêtres, ces rabbins et autres à interdire ce que Allah Azza wa Jalla avait autorisé et vous les suivez, et à autoriser ce que Allah Azza wa Jalla avait interdit et vous les suivez, c'est-à-dire que vous suivez dans ce changement d'interdit et d'autorisation, c'est-à-dire le halal et le haram, c'est-à-dire qu'il changeait le halal et le haram, ça maintenant c'est halal, maintenant ça c'est haram. Et donc le sahabi a dit, ben là, oui, c'est ce que nous faisons. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tilka ibadatuhum iyahum. C'est ça leur adoration à qui on leur porte. Donc il a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ibadatuhum iyahum, c'est ça votre adoration que vous faisiez à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que c'est une adoration. Une ibada. Il a bien dit le mot ibada. C'est quoi cette ibada? C'est que quand il y a, par exemple, en islam, il y avoir un imam, un cheikh ou quoi, un alim, qui va rendre halal ce que Allah a rendu haram, ou haram ce que Allah a rendu halal. Un exemple. Par exemple, en France, ou je ne sais pas, par exemple, sur la côte atlantique, dans une ville, Bordeaux, qui va dire, non, le hijab, ce n'est pas wajib, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas, excuse-moi, obligatoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'obligation qui est marquée dans le Coran, dans les hadiths, et sur lequel il y a ijma, unanimité. Cette personne-là s'est pris lui-même comme rab, comme maître, c'est-à-dire qu'il a légiféré dans ce quoi il n'y a pas de divergence, et que les textes sont clairs, il est au courant, en dehors d'Allah. Ceux qui vont suivre ce murtad, cette apostasie, ils vont l'adorer. Lui, il a fait un chic dans Rububiya parce qu'il s'est mis à la place d'Allah Ajal pour légiférer. Donc son chic, lui, dans Rububiya, c'est un kafir. Ceux qui vont attester de ce qu'il dit vont dire oui, il a raison. En fin de compte, le hijab, c'est pas obligatoire. Et bien, eux, ils sont Murtadoun aussi, apostats. Pourquoi? Mais leur chic, il est dans le shirk al-ilahiyya, al-ibada, shirk al-ibada. D'accord? Donc, ils ont touché le tawhid al-ibada. D'accord? C'est donc, ça veut dire ça. Donc, je reviens pour expliquer. C'est pour expliquer le verset là que j'étais juste en train de dire, pour expliquer le Laïla Allah, où Allah Azza wa Jalla a dit venez à une parole unique entre nous et vous, Allah Narbu Daïla, est-ce qu'on n'adore pas sauf Allah, voilà, nous shrikabi shay'an, et nous qu'on ne lui associe rien, voilà, yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, est-ce que aucun d'entre nous prenne d'autres parmi nous comme seigneur, comme maître en dehors d'Allah, et ça veut dire quoi? Et ça veut dire ça, c'est-à-dire, comme l'a expliqué le prophète, ça veut dire que certains d'entre nous vont commencer à rendre haram ce que Allah a rendu halal, ou rendre halal ce que Allah a rendu haram. Et faites attention, ça se passe. Hein. Donc, ça aussi, ça rentre dans le la ilaha illallah, comme on va le voir, inshallah, comme on le voit déjà maintenant. Ensuite, Allah il dit, fa'in tawallahu. Et s'ils se détournent, c'est-à-dire que si les chrétiens juifs, ils se détournent à quoi? C'est-à-dire qu'ils refusent de venir à cette parole qui est le la ilaha illallah dans sa compréhension, c'est-à-dire qu'il faut adorer que Allah Azza wa Jal seul. C'est-à-dire qu'on n'adore que Allah, on n'adore pas Jésus, ni Mariam, ni Marie, ni autre. Tout acte d'adoration, parole d'adoration, doit être à Allah Azza wa Jal seul. Et toute forme d'adoration, notamment dans la législation. Donc regardez un peu, que ce soit protestant ou catholique, on va prendre, en France, il y a beaucoup de catholiques, c'est la majorité, on va prendre les catholiques. Regardez comme les papes, ils rendent haram, interdit ou autorisé, alors que dans leur Bible même qui est là, en fin de compte, c'est inscrit comme quoi, c'est par une chose est interdite, bah eux, ils vont la rendre autorisée et l'inverse. D'accord? Et là, même le nouveau pape, il est en train de parler comme quoi, bon, les homosexuels, en fin de compte, il faudra peut-être réfléchir si oui ou non, on ne pourra pas leur trouver un cas, etc. Sachez que dans l'église vaticane, dans l'église catholique, le pape a le droit à ce qu'on appelle la bulle papale. C'est quoi la bulle papale? Eh bien, c'est que le pape, pour eux, c'est le représentant de Dieu, si ce n'est Dieu, hein, mais c'est le représentant de Dieu sur terre, et qu'il a le droit à la bulle papale, c'est-à-dire qu'il a le droit à légiférer ce qui va diverger dans la Bible. D'accord? Voilà, yaz billah. Voilà, par exemple. Et ça n'est pas seulement spécifique aux chrétiens, comme j'ai dit, par exemple, dans le Talmud, les rabbins, le judaïsme talmudique, les rabbins, comme je l'ai dit la dernière fois, ont écrit un livre de Talmud, et dans le Talmud, ils disent clairement que ce que les rabbins font comme loi, ça a autorité sur Dieu. Ariyadoubillah. Car Allah nous préserve de ceci. Hein, le monde de secours est auprès d'Allah. Les rabbins ont écrit dans le Talmud que ce que les rabbins écrivent comme loi, et ben ceci a autorité sur Dieu. Ils l'ont dit vraiment clairement, qu'ils se mettent au-dessus d'Allah, Azawajal, Subhanallah. Le châtiment terrible qu'ils vont les saisir, cela, le jour de la réaction, qu'Allah nous en préserve. Ah là là, les juifs du Talmud, enfin bon. Les juifs m'écrivent tout court d'ailleurs. Je continue, Inch'Allah. Fa'intawallou, je recherche le verset. Fa'intawallou, donc s'il se détourne, donc s'il refuse cette parole, donc qu'est-ce qu'on fait si quand les chrétiens juifs ou autres, ils refusent de venir à cette parole, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bien sûr, Muhammad Rasulullah. Fa'koulou, alors dites-leur à ces mécréants, ishadou, témoignez, bi'anna, que certes nous, on est quoi? Muslimoun, on est des musulmans. Muslimoun, n'oubliez pas que ça veut dire soumis, hein, du verbe aslama. Et c'est l'islam, c'est le fait de se soumettre. Il est 22h bientôt et quart, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, on continuera d'autres paroles par rapport à la condition, première condition que l'on a citée à l'Arim. Je vais juste citer une chose que j'aime citer aussi par rapport au mot islam et muslim, musulman. Alors, le mot islam, c'est le masdar, donc on va faire encore un peu de langue arabe, hein, parce que c'est comme ça. Le mot islam, c'est le masdar, pour ceux qui font du nahou un peu, c'est le masdar du verbe aslama yuslimu islaman. Et le ism fa'il, donc soit qui fait l'action, on dit qu'il est muslim. D'accord? Ça veut dire quoi aslama? Aslama, ça veut dire istaslama, c'est-à-dire se soumettre. Et comme on dit, par exemple, dans la guerre, imaginez, il y a la guerre entre deux camps, il y en a un camp qui veut se rendre. Eh bien, il va faire ce qu'on appelle l'islam. Il va se rendre, il va se soumettre à l'autre camp. Pourquoi? Parce qu'il veut la paix, c'est bon, il veut arrêter. Hein, même s'il se fait prisonnier, il veut arrêter la guerre. D'accord? L'origine du mot aslama vient notamment du verbe salim al-aslam. Ou assalam ou assalama. L'origine du mot, c'est de trois lettres. Le sin, le lam ou le mim. D'où le mot, comment vous devez connaître, peut-être assalama, qui veut dire la paix. Ou assil, la paix entre deux moments qui a la guerre, la paix. Donc, la base du mot à l'islam, c'est ce sens-là, la paix, qui vient de la paix. D'accord? Il y a la guerre et il y a la paix. P-A-I-X. Donc, maintenant, on va se poser la question, comment ça se fait que la soumission a un rapport avec la paix? Alors, certains vont dire, c'est totalement l'inverse. La soumission, ce n'est pas la paix. La soumission, pour eux, surtout en Occident, la soumission, c'est peut-être la torture ou quoi, etc. On va prendre l'exemple de ceux qui se soumettent, de ceux qui capitulent et qui vont se rendre à l'ennemi. D'accord? Un groupe de gens fait la guerre, un autre groupe de gens, à un moment, ils veulent arrêter. Ils veulent quoi? Pourquoi ils veulent arrêter? Parce qu'ils veulent la paix, justement. Donc, ils se rendent, ils se soumettent, ils disent, bon, on se rend, on se soumet. Pourquoi? Pour avoir cette paix. Donc là, on comprend pourquoi l'islam vient du mot de la paix. Parce qu'on se soumet à Allah, Azzawajal, on se rend à lui. Parce que l'on sait que si on ne se rend pas à lui, si on ne se soumet pas à lui, on est forcément en guerre contre lui, ou à la yadu billah, et personne ne peut gagner cette guerre contre Allah, Azzawajal. C'est l'enfer qui attend ceux qui meurent alors qu'ils sont en guerre contre Allah. Donc nous, on fait quoi? Eh bien, on se rend à Allah. On se soumet à Allah. Pourquoi? Pour ce signe, pour avoir la paix d'Allah, pour être en paix avec lui. On sait très bien qu'on ne peut pas gagner cette guerre contre lui. On laisse les mécréants lui faire la guerre. On leur dit aux mécréants, arrêtez, soumettez-vous à Allah. Rendez-vous à Allah. D'accord? Pour avoir la paix. Et signe. Barakallahu fikoum. Voilà, j'ai fini le cours du Tawhid, Inch'Allah. On continuera demain, bi'idhnillah. Alors, comme pour dans le cours du Fiqh, où, mashallah, il n'y a pas eu de débordement, juste un petit point d'humour, mais moi aussi j'aime bien, barakallahu fikoum, j'espère que dans le cours du Tawhid, vous aurez le même comportement, il n'y aura pas de débordement, pas d'insultes, pas d'accord, tout ce qui est ça, et que si vous avez des questions, posez des questions, mais pas autre chose, barakallahu fikoum, c'est un sujet assez chaud, le Tawhid. Et ça prend le nefs, bien sûr, ça touche vraiment. Donc on va faire un djihad nefs aussi, parce que le djihad par les armes, ça existe, il n'y a pas de problème. jusqu'au jour de la résurrection. Mais comme tous les savants le disent, il y a aussi le djihad nefs, le djihad contre soi-même. Et c'est un des plus grands djihad nefs. C'est quoi? Si c'est né le djihad nefs avant tout, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va se mettre pour avoir un bon comportement. Je vous remercie. Je vous donne l'écriture pour vos questions. S'il n'y a pas de questions ou très peu, eh bien, on finira le cours assez tôt. Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Abou Temima dit, ton micro, il fait mal aux oreilles. Aïe, donc je dois parler trop fort ou trop près du micro. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y avait un frère qui m'avait prévenu sur ça. Abou Mohamed dit, perso, non, bah, apparemment, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai déjà eu un frère qui m'avait dit aussi qu'apparemment, je parle trop près du micro. C'est justement, étant donné que j'entends pas, j'ai pas de retour de son, donc des fois, je crains que vous m'entendez mal par rapport au micro, donc c'est pour ça que je m'approche. Je vais essayer de me reculer un petit peu plus. Surtout quand je hausse la voix, Inch'Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Voilà, entre parenthèses, en ce moment, je suis en train de mettre tous les cours que j'enregistre là, parce que tous les cours qu'on fait, je les enregistre, et j'ai mis sur YouTube, sur une chaîne que j'ai intitulée comme, bah, comme le nom de ce salon, de ce cours, qui s'appelle Institut Islamique. Vous allez sur YouTube, vous allez sur chaîne, d'accord, les chaînes de YouTube, et vous tapez Institut Islamique. Normalement, vous aurez la page où il y a les cours qui sont sur YouTube. Une question de Salafia84, j'ai pas entendu le début, enfin, est-ce que tu fais l'expression de Kitab al-Tawhid de cher... C'est pas le cher Abdel Wahab, c'est juste une petite rectification. Hein. Son nom, ce n'est pas Abdel Wahab. Abdel Wahab, c'est le nom de son père. Lui, c'est Mohammad ibn Abdel Wahab. Mohammad ibn Abdel Wahab. C'est le Mohammad, le fils de Abdel Wahab. Alors, ce n'est pas le livre de c'est pas le Kitab al-Tawhid du cher Mohammad ibn Abdel Wahab que je fais, non. Ce sont une compilation de petites risalas, très petites risalas qu'il a fait. D'accord ? Tawhid, on pourra le faire ça plus tard, quand j'aurai fini, mais ça sera peut-être un petit peu long, mais très très bien. D'ailleurs, je vous conseille tous, bien sûr, de lire le livre du Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Donc, c'est une compilation de petites risalas. D'accord ? Donc, la première risala qui était très petite, qui fait qu'une seule phrase, on l'avait fait hier avant-hier, c'est donc Asuddin Waqadu Amran, le fondement de la région et sa base, ce sont deux affaires. Et là, on est en train de faire en ce moment une petite risala qui est Shurut La ilaha illallah, les conditions du La ilaha illallah. Quand on aura fini ça, on va faire la célèbre risala, épître du cher Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, qui s'appelle Nawakidul Islam, les annulations de l'islam. Son nombre de 10, comme on va voir. Et une fois qu'on aura fini cet épître-là, on va faire, Inch'Allah, un autre épître qui s'appelle Al-Tawhid Thalathatu Anwar. Le Tawhid est de trois sortes. D'accord ? Ensuite, on va faire un autre épître qui s'appelle Al-Kufr Kufran. Le Kufr est de deux Kufrs. Donc le grand et le petit, comme vous pouvez en douter. Tout ça, c'est de cher Mohammed al-Rahman, rahimallah. Ensuite, on fera un autre épître qui est. Dans le Kufr Kufran, on verra aussi le sens du shirk. D'accord ? Et du normalement du nifal. Et après on terminera par une risala qui est très importante du cher, toujours du cher Mohammed ibn Wahhab rahimahullah, qui est ma'nat tarout wa ru'usu anwa'ihi, le sens du tarout, ça veut dire quoi tarout, donc on va étudier, et les têtes de ces sortes, les têtes des tawarit. Tawarit, c'est le pluriel de tarout, d'accord. Et c'est quoi les têtes? Donc les tawarit les plus importants, c'est quoi? Donc ça, c'est la dernière qu'on va faire, Inch'Allah, qui n'est pas des moindres. Voilà, c'est une compilation de ces petits livres du cher Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Oui, donc c'est bon, si vous ratez un cours, normalement c'est pas grave, vous pouvez toujours aller voir sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur le blog islam.france, c'est le blog que j'ai fait aussi, ça fait quelques années que j'ai fait ce blog-là, et normalement vous avez les cours, ou du moins vous avez le lien pour aller sur YouTube, ainsi que d'autres écrits que j'ai fait en français. Tu fais un cours sur le ranima, sur le butin. Alors, le cours sur le ranima, c'est dans ce qu'on appelle le kitab al-jihad, dans le chapitre du jihad, et dans le cours de fiqh. Et là, on est en cours de tawhid. Donc oui, je vais faire je vais expliquer c'est quoi le ranima, comment on partage le ranima, etc. C'est quoi qui rentre dans ce qu'on appelle le ranima, le butin de guerre, d'accord. Mais c'est pas dans ce cas-là, c'est dans le cours de fiqh. Et c'est quand on va étudier, une fois on va l'étudier, dans tous les livres de fiqh, il y a Kitab ou Jihad, le chapitre du Jihad. Bon, mais c'est pas maintenant, d'accord? Mais ça va venir, Inch'Allah. Des fois, j'en parle un petit peu du Jihad comme ça, j'aime bien. Comme j'aime bien pas d'autre chose, Alhamdulillah. Robert déjà dit, il veut toujours se dire. Eh oui, bon, hein? Et on fait tout. En ce moment, on fait Zakat, hein? Donc s'il n'y a pas de questions, wafik barakallah, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter le cours ici, inshallah. Ah oui, bah si vous arrivez toujours au moins des questions, je suis désolé. Mais comme je dis, si vous voulez, il y a la. Comment dirais-je, vous pouvez voir si ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller sur cette chaîne YouTube où je mets les cours que j'existe, pour ceux que ça intéresse, je remets la chaîne sur YouTube, l'Institut Islamique, ou le lien qu'a mis Abou Imran, ou sur le blog islam.france.overblog, le lien a été mis aussi par un frère ou une sœur, je ne me rappelle plus, Jazakallahu khairan. Tu peux pas mettre les calculs, comment on calcule la zakat? Alors pour ces 84, bah, j'expliquais comment on fait pour le calcul pour les chameaux. Demain on va faire pour les vaches, après on va voir pour les moutons et les chèvres. Mais c'est-à-dire tu peux pas mettre le calcul comment on calcule. C'est-à-dire que par écrit lié en arabe dans le comment dirais-je dans le Astaghfirullah, dans le livre qu'on étudie. Je l'ai, sinon en audio et bah, c'est enregistré, vous pouvez le refaire. Sinon vous prenez n'importe quel livre de fiqh. Hein, vous prenez n'importe quel livre de fiqh, et même dans n'importe quel mazhab, hein, même Hanafi ou Malikite ou Shafi ou Hanbali, et vous allez dans le chapitre de la zakat. Dans le chapitre de la zakat, vous avez un sous-chapitre qui se trouve les chameaux, et notamment les parts, comment on calcule les chameaux. Et étant donné que là, vous avez entendu, vous avez compris comment ça marche la zakat de chameaux, donc quand vous allez le lire en français, par exemple, vous allez comprendre le chose voulue. Parce que c'est aussi une chose qui est demandée, c'est que d'étudier au minimum une fois dans sa vie toutes les sciences, donc tout le fiqh par exemple, le fiqh, l'araqida et le sous le fiqh et ces choses là d'accord, Moussa al-Hadith, au moins une fois pour savoir pour comprendre le B.A.B.A. et cela profite à quoi? C'est-à-dire que la personne après quand il va lui-même prendre un livre de fiqh, eh bien il comprend, Inch'Allah, ce qu'a voulu celui qui a écrit le livre de fiqh, parce que s'il n'a pas pris de cours avant, ça va être difficile de comprendre la chose voulue. Donc c'est bien d'avant de faire un cours avec un prof, d'accord, pour avoir un B.A.B.A. Des termes techniques et autres, et on peut ensuite avoir une facilité à comprendre quand on lit dans les livres de fiqh. Alors, traduit, non, en traduction, ça fait longtemps que je n'ai plus de livres en français, donc je ne pourrais pas vous dire. Celui-là qu'il y avait avant, c'est plutôt Malikite, mais qui est assez bien, ce qui est assez complet, c'est dans le fameux Ménage Muslim, traduit par La Voix du Musulman de Abou Bakr al-Jazayri, qui est en trois parties. La première partie, c'est la croyance, après, c'est la partie, c'est le comportement, et la troisième partie, eh ben, c'est simplement et purement, machallah, un livre de fiqh. D'accord? Et donc, prenez Ménage Muslim, allez au troisième, la troisième partie, que lui même est divisé en deux parties, comme dans tous les deux fiqhs, c'est-à-dire qu'il y a le fiqh al-ribada, le fiqh al-mu'amalat, donc le fiqh des adorations, qui est la purification, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj, et le fiqh al-mu'amalat, et le fiqh des actions, c'est-à-dire que des actions envers la création, c'est donc tout ce qui est mariage, djihad, héritage, divorce, les peines légales, l'esclavage, je ne sais quoi encore, tout ce qui est aussi acte de vente, etc. Avez-vous maintenant des questions sur le cours? Sinon, bah, je vais arrêter le cours parce que là, j'enregistre, comme vous le savez. Quelle est ta récompense? Barakallahu fik. Ça fait une vidéo avec le salam. Alors, Siam Mandi. Est-ce que Usuluddin c'est Usul al-Fiqh? Non, pas du tout. Ce sont deux termes spécifiques qui sont. Alors, quand on dit Usuluddin, généralement dans les universités par exemple islamiques, quand on dit usul din, donc les bases de la religion, en fin de compte, ils veulent. C'est la croyance, c'est toutes les croyances, c'est toutes les croyances de l'islam, les croyances des autres religions mécréantes, c'est ça usul din. Alors que usul fiqh, ce sont les fondements du fiqh, c'est-à-dire c'est toutes les règles qui fait que pour comprendre un texte, afin de sortir les lois du fiqh qui sont au nombre de 5, le wajib, le haram, le mandoub, le makruh et le mubah. D'accord. Et inshallah, j'ai aussi un livre que j'ai écrit de usul fiqh que j'aimerais bien aussi l'enseigner, inshallah, si quand on finira, on l'étudiera, inshallah, mais on a le temps encore. Mais j'aimerais bien. C'est important, parce que étudier usul fiqh, c'est très intéressant. Parce que quand on apprend ces règles-là, on comprend mieux les divergences des savants et on arrive mieux à peser le pour et le contre. Le livre, il y a le fiqh de Ibn Jawzi. Je ne le sais pas. Ibn Jawzi, quel livre de fiqh il a écrit? Désolé. Donnez-vous des cours en vrai. Alors, ça veut dire quoi en vrai? Si c'est dire autre que Internet en ce moment, non, là je donne que des cours pour l'instant sur Internet. Non, en ce moment je ne donne pas de cours autre qu'Internet. Ni dans une mosquée, ni ailleurs. C'est pour l'instant. Est-ce que vous en avez? Oui, j'ai donné déjà des cours autres sur Internet, donc directement. Donc de face à face, d'accord, c'est même mieux, ça passe mieux, puis pour expliquer aussi, mais pour l'instant c'est sur Paltalk. Ah, il y a des choses que j'ai... Amin, qu'elle vous facilite, Amin, Barakallahu fik, Abu Mohamed, ou Abu Mouada, désolé, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer. Je ne sais pas si c'est Abu Mohamed que vous avez marqué ou Abu Mouad peut-être. Allah. En tout cas, je vous remercie de d'invoquer Allah Azzawajal pour moi. Barakallahu fik. Bon, bah, apparemment, il est déjà 22h30. Inch'Allah, le cours se finit maintenant. On continuera demain avec le cours de fiqh et de Aqida, de Tawhid précisément. Je vous remercie tous. Barakallahu fikoum, mais je vous remercie surtout là pour le bon comportement que vous avez eu par rapport aux questions du Tawhid. Sérieusement, Barakallahu fikoum, et je vous dis donc à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.